Une histoire particulière. Nous avons repris le rythme de nos histoires vraies. Chaque week-end, un documentaire en deux épisodes. Je reconnais qu'hier, je ne vous ai pas ménagé. L'affaire Flactif et la tuerie du Grand Bornand, dont vous avez entendu le premier épisode à 13h30 hier, est l'illustration de notre cinquième péché capital. Le crime est affreux, une famille décimée, l'assassin guidé par la haine de la réussite de l'autre. La haine, le dernier degré de l'envie. Pour la suite de cette terrible affaire, nous retournons au Grand Bornand avec Nejma Bouakra et Yvon Croisier. Chaussez vos skis, ça glisse. La peine maximale, David Otial, les yeux sur ses souliers, a encaissé sans broncher. À ses côtés, dans le box, Stéphane Aremza n'a pu retenir ses larmes, lui, lorsqu'il a entendu 15 ans. « Complice, oui !» lui a lancé l'avocat général. « Même si celui-là n'a pas de sang sur les mains, et s'il perd beaucoup, ne vous y trompez pas, c'est d'abord sur lui-même. » Le magistrat aura une phrase lapidaire sur chacun. Isabelle Aremza, cupide, crapuleuse, dénuée d'un sens des valeurs, 7 ans. Alexandra Lefebvre, la compagne d'Otia, femme battue, femme soumise, c'est ce qu'elle veut nous faire croire. En réalité, c'est une manipulatrice qui souffle sur les braises. Elle avait 1000 moyens d'empêcher cette boucherie. Vous aviez tout, madame, pour savoir que l'exécuteur était dans les basses œuvres. 10 ans. Otia enfin, et le ministère public cite alors Dostoïevski, la mort injuste d'un enfant fait douter de l'existence de Dieu. Et il enchaîne, l'extermination de 3 petits-enfants peut-elle faire croire à l'existence du diable? Mais non. Otia n'est qu'un homme, ordinaire, animé par la haine, qui, comme une lame de fond, a fait craquer le fragile vernis de l'éducation et l'a emmené aux portes de l'enfer. À perpétuité, donc. L'envie. L'affaire Flactif. Second épisode de l'envie au meurtre. Nejma Bouakra, Yvon Croisier. Étrange affaire. Affaire marquante. Maître Georges Rimondi. Marquante parce que, évidemment, d'abord, le caractère abominable de voir disparaître une maman, un papa et les 3 enfants, c'est quelque chose d'humainement insupportable. Marquante également parce que la motivation si futile a conduit à la commission d'un drame absolu. Et puis marquante aussi parce que, pour les professionnels que nous sommes, nous, les policiers, les avocats, les juges, c'est une affaire qui, techniquement, a été particulièrement bien menée grâce aux investigations scientifiques. Et il est vrai que certaines investigations ont même été parmi les premières à être utilisées sur le territoire français, parce que le Blue Star ou le Luminol, vous savez qui sont ces pratiques qui permettent de révéler l'existence de traces de sang, mais même lorsque celles-ci ont été javelisées. Et mieux encore, on a pu en extraire l'ADN alors même que ces traces de sang avaient été javelisées. C'est d'ailleurs comme ça que sur les lieux, on a retrouvé 6 ADN, 5 qui appartenaient aux membres de la famille disparue, et le 6e ADN, on se doutait effectivement qu'il appartenait à monsieur Otia, et que c'est comme ça qu'on a pu remonter à lui. Patrick Alain Bertoni. L'autre homme de cette affaire, c'est David Otia. Alors, David Otia, d'abord, c'est un ancien athlète de 800 mètres. Donc, c'est un ancien athlète qui est charpenté, qui est blond, qui a le cheveu court, les épaules carrées. Il ressemble à tous ces gars du Nord qui viennent ici parce qu'il y a du travail, parce qu'il y a la Suisse voisine, avec ses salaires particulièrement intéressants compte tenu du cours du franc suisse par rapport à l'euro. David Otia est venu ici aussi parce que lorsqu'il était enfant, il y venait en colonie de vacances. Alors, les municipalités du Nord ont souvent eu des centres de vacances ici, ou les comités d'entreprise, etc., ou les centres communaux d'action sociale. Il est venu ici, pour effectivement trouver meilleure fortune, en ayant des souvenirs lorsqu'il était enfant de vacances. Revenons sur la scène du crime. Alors, la scène du crime est un des chalets construits par Xavier Flactif, qui est donc habité par Xavier Flactif et sa famille, sa femme et la mère de leurs 3 enfants. Donc ce chalet se situe un peu à l'aval, à l'entrée de la station du Chinaillon, en face des premières pistes de ski. C'est un chalet très cossu, c'est un des gros chalets du secteur, effectivement. C'est loin de la cabane au Canada. C'est-à-dire que je suis allé sur les lieux du drame, et j'ai découvert le vrai chalet, et et qui était au-delà même de ce que j'imaginais. Il était presque un peu trop par rapport à ce que j'imaginais moi. Presque un peu arrogant ou insolent. Pas forcément de luxe, mais de presque luxe, j'ai envie de dire. Éric Guirado, dans Possession, votre film, le chalet, on le voit, il est presque en surplomb. Il est très imposant. C'est-à-dire que quand on allait au chalet des Flactifs, on arrive par une petite route, on se retrouvait fatalement au pied du chalet, qui était forcément dominant, j'ai envie de dire, et évidemment, donc, du coup, on se sentait un peu dominé. J'en avais ras-le-bol des gens, de la pluie, tout ça, puis j'ai vu un reportage à la télé sur les chalets à la montagne, et d'un coup, ça m'a fait envie. Moi, je suis comme votre dame. Attends, excusez-moi. Ouais, Jacques ? Ouais, comment on va ? Attends, quitte pas. Je suis passé tout à l'heure, je vous ai mis l'électricité, le chauffage, tout ça, vous allez bien. Merci. Salut ma puce. Au revoir. Vous voulez pas nous montrer je sais pas quoi là ? C'est comme ça le chalet que tu voulais, maman ? C'est là ? Ouais, c'est pas mal. Pas mal, putain. Excusez-moi, mais ouais. Vous avez vraiment besoin de cette voiture ? Non. On est comme des rois ici. Mais je veux. Tu verras la taille du chalet, il y a de la place pour vous. Hein. Qu'est-ce que vous attendez ? Et puis tu verras le chalet des proprios, ils ont tout quoi. Grand salon, grande cuisine. Un grand frigo américain. Et vu sur les pistes, la grande classe quoi. Ici on n'est pas chez les crevards, il y a du fric. Ouais, il y a de la thune. Ce que je trouvais intéressant, pourquoi ça a résonné chez moi cette histoire ? Bon d'abord ça se passait... moi je suis né à Saint-Julien-en-Genevois, en Haute-Savoie. Éric Guirado. Donc quand cette affaire... a eu lieu en 2003, j'étais tout de suite au courant. Et quand je m'en suis vraiment approché, il y a eu des résonances pour moi avec des figures, entre guillemets, cinématographiques, notamment comme dans Macadam Cowboy, où on a un personnage qui quitte son Texas pour une vie meilleure et qui se prend la réalité dans la figure. Alors... Qu'est-ce qui leur donnait l'envie de partir ? Mais c'est vraiment le rêve, je pense que c'est vraiment le rêve. Peut-être quitter une forme de cauchemar ou d'impasse, pouvoir être près des gens heureux aussi. Dans les stations de ski, on parle pas trop ni du chômage, ni des bars de HLM, ni... Enfin voilà, c'est comme si on était dans une zone complètement différente. De la même façon que quand dans Macadam Cowboy, ce personnage s'en va à New York, il a vraiment le sentiment qu'il plane, mais complètement. Et je pense que l'expression planer convient bien. Je pense qu'ils sont arrivés, ils planaient complètement dans leur rêve, dans cette idée de ça va aller mieux... D'ailleurs, on côtoie déjà des gens bien, des gens qui ont de l'argent. Ils ont côtoyé, au départ, ils ont côtoyé des faits actifs, je pense, avec beaucoup de plaisir. Je ne crois pas que ça ait tout de suite été de l'envie. Je veux croire que ça n'a pas tout de suite été négatif. Monsieur Flactif, il est promoteur. La station du Grand Bornand est une station qui se développe. Il y a évidemment pour un promoteur de tous les espoirs de gains qui sont permis par la construction et l'édification de chalets, de résidences secondaires, etc. C'est un personnage, monsieur Flactif, c'est un homme haut en couleur, c'est un homme qui a le profil de sa fonction, je dirais. C'est quelqu'un qui est déterminé, et qui réalise, d'ailleurs, je crois qu'il a construit, si ma mémoire est bonne, en 4 ans, 15 chalets. Donc c'est vous dire qu'il était effectivement extrêmement actif. Concernant Monsieur Othia, ce sont des gens plus effacés, plus modestes à tout point de vue. Ils complètent un peu leurs revenus par des petites activités de petites rapines sans grande envergure. Bref, c'est pas le même profil. C'est pas le même profil. Mais il va se créer quand même une relation entre la famille Flactif et Monsieur Othia. On imagine évidemment qui a de l'influence sur l'autre. Lorsque Flactif sollicite Othiat, eh bien, c'est pour que sa femme vienne faire du ménage chez lui, etc., etc. Cette relation est telle qu'ils ne seront jamais d'égal à égal. Jamais. Et lorsque l'un, avec peut-être un regard un peu méprisant, il faut bien le dire, dit à l'autre, eh bien, écoute, demain tu dois quitter le chalet parce que j'ai un locataire, l'autre le vit extrêmement mal. Son épouse le vit extrêmement mal. Donc, dans un premier temps, il va y avoir un peu de convoitise, mais cette convoitise va très vite devenir de la jalousie, c'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de rivalité entre eux. Et c'est cette rivalité qui va faire naître cette haine obsessionnelle qui va conduire après à la commission de certains faits. Dans un premier temps, on sait, parce qu'ils ont été condamnés, jugés, maintenant c'est pas un secret, qu'ils avaient mis le feu à un chalet appartenant au Flactif. Putain, résidence luxe et prestige, il se fait pas chier. Enculé. Viens, bon, allez, on fout du prestige, tu vas voir. Voilà. Regarde, t'en veux pas te croire. Parce qu'il y en a marre que vous nous baladez, il faut nous respecter un petit peu là. Mais on balade personne, hein, on fait ce qu'on peut, je vous l'ai déjà dit ce matin. Il faut arrêter de nous prendre pour des guignols, parce que Marlene, elle pète un câble. Patrick ! Alors moi je veux le chalet qu'elle voulait depuis le départ, puis c'est tout. Bruno, on vous prend pas pour un guignol, on vous respecte. Si on vous respectait pas, vous aurez pas eu dans cet hôtel, croyez-moi. Bruno, et tu veux que je te dise ? Je serai le premier à être contente quand vous l'aurez votre chalet. Dis-lui à Marlene. Allez, santé. Mais t'inquiète pas, fais-moi confiance. Ça met un petit peu plus de temps, mais ça va aller. Alors ils se disputent effectivement parce que David Otia et sa famille passent de chalet en chalet au fur et à mesure que des locations de vacances approchent et qu'ils doivent libérer les lieux pour permettre à des touristes d'emménager pour les périodes de vacances. Patrick Alain Bertoni, journaliste. Donc petit à petit on en arrive à des mots. C'est le combat de deux grands cerfs hein, qui deviennent un peu rivaux. Quelqu'un comme David Otia a pu avoir la faiblesse de croire qu'en brûlant les étapes, il pourrait accélérer le processus l'amenant à habiter un chalet et un tel chalet. Il y a un couple, ce sont les Flactifs. Eux, ils sont, et les autres, ils rêvent d'être. Et ça fait vraiment toute la différence. Donc, ils sont, ces deux couples, un peu en miroir, c'est vrai, ils ont beaucoup de points communs. Mais malgré tout, l'immense différence, elle tient à ça. Il y en a qui sont, il y en a qui rêvent d'être. Il y en a qui sont des propriétaires, d'autres qui rêvent d'être propriétaires. Il y en a qui sont dans la réussite, et les autres qui rêvent d'être dans la réussite. Alors c'est un effet miroir, mais entre un miroir doré à leur fin, Xavier Flactif, et puis un miroir de poche, David Otia. Et le miroir de poche, eh bien, veut à son tour grandir et être doré à leur fin. Ouais, c'est quelque part un effet miroir, mais avec un miroir un petit peu plus grand d'un côté que de l'autre. Lorsque le miroir se brise, lorsque le charme est rompu, on passe dans une phase de grande amertume, et de l'amertume, on en arrive vite à la rancœur, et de la rancœur, on en passe à la haine qui peut motiver un pareil geste. Pour moi, l'immense problématique est venue à partir du moment où l'objet de leur envie en général et de leur jalousie est devenu complètement immatériel, c'est-à-dire l'affection, l'amour et le bonheur. En tout cas, moi j'ai traduit ça dans le film, et c'est ma vision. À partir du moment où ils se sont rendus compte, peut-être inconsciemment, que ils pouvaient essayer de tout avoir, mais il y a un truc qu'ils n'auraient jamais et qui pourrait jamais leur prendre au Flactif, ben c'était l'amour, la chaleur de leur foyer, la bonne atmosphère de leur foyer, cette atmosphère rassurante, et puis des enfants heureux, etc. Et là, je pense que ça a marqué un tournant sourd, hein, tout à fait silencieux, mais quelque chose de très fort en eux, qui a peut-être été un des éléments déclencheurs de cette rage dont la source est voilà, la frustration, l'impuissance, la jalousie, la convoitise, l'envie, etc. Puis il fallait voir, pour laver le linge, les manières. Fallait mettre la lingerie de madame dans un petit sac spécial pour pas abîmer la dentelle. Non mais n'importe quoi. Une vraie princesse, quoi. De toute façon, t'es trop gentille, ils en ont profité. Puis c'est toujours pareil. Au final, ils savent bien qu'on va fermer notre gueule. Hé, hey, tu sais ce qu'il va offrir à elle ? Non. Un bateau. Là, dans le garage, il y a un bateau qui prend la poussière. Non mais je te jure, à la montagne, un bateau. Non mais n'importe quoi. Ils sont pas comme nous, ces gens-là. Ouais. Mais tu sais, ça se trouve, l'argent. C'est de l'argent malhonnête. Ouais. Tous les trucs qu'on voit à la télé, là, les millions, puis au final, c'est même pas eux et tout ça, là. C'est des magouilles, tout ça. Ça rejoint aussi la question du fantasme. Ça rejoint aussi la question du rêve dont on parlait. Le fantasme va très vite. Quand les Flactifs ont disparu, je pense qu'à partir de quelques éléments de la réalité, c'est-à-dire que peut-être qu'en effet qu'ils étaient endettés, peut-être qu'en effet il y avait quelques artisans qui commençaient à dire qu'ils payaient mal, etc. S'est tissé très vite autour d'eux une réputation, et puis très vite une image forte. On a projeté, je pense, une image dont la source est vraiment directement pour moi la jalousie et la convoitise. Et les Otia n'ont pas été tout à fait innocents dans cette opinion-là qui s'est répandue très vite. puisque Alexandra disait elle-même, dans une émission 7 à 8, elle disait elle-même, oh, bah, si ça se trouve, là ils se sont tirés et puis ils sont au chaud sur une île. C'est-à-dire qu'elle-même répond à une question d'un journaliste et sans le savoir, de façon inconsciente, elle frappe tout de suite en direction de l'imagerie populaire la plus moche, j'ai envie de dire. Pas con. Déjà, il prend les gens pour des esclaves. Qu'est-ce que vous faisiez, vous? Bah, je faisais le ménage chez elle. Donc, vous voyez, quand vous êtes en train de laver, hein, que lui, il arrive, qu'il repiétine tout, hein, que c'est pas sec, qu'il y a plein de traces, que vous êtes obligé de recommencer trois fois parce qu'il en a rien à foutre. Venez chercher des papiers sur sa table, il repartait sur le balcon, et vas-y, piétinez tout. Hein. J'étais très frappé par le fait que dans cette émission 7 à 8, il y avait une sorte de violence des propos d'Alexandra, la femme de David Othia, alors même qu'on était à l'époque à peine 15 jours ou 3 semaines après la disparition, c'est-à-dire dans les faits 15 jours ou 3 semaines après qu'il les ait tués. Alors forcément, il fallait bien qu'ils se construisent des alibis, ou... mais quand même, il y a eu une telle violence que je pense que je connais plus bien. J'avais lu beaucoup de choses sur les gendarmes et les inspecteurs, etc., qui tournaient autour de l'affaire. Mais il est très probable que ça commençait déjà à leur mettre la puce à l'oreille. C'est-à-dire que des gens comme ça, qui avaient côtoyé les flactifs, puissent tout d'un coup avoir des propos aussi violents à l'endroit des flactifs, c'était quand même étrange. C'était quand même étrange. Il a de la chance qu'il n'ait jamais tombé sur un Corse, parce qu'il serait, il serait dans la mer avec une pierre au cou, là. Ce qui est particulièrement cruel, c'est que le chalet voisin de celui des flactifs, dans lequel s'expriment devant les caméras de TF1 David Othia et Alexandra Lefebvre, c'est le chalet dont ils se sont rendus propriétaires en bidouillant sur l'ordinateur un faux compromis de vente engageant les flactifs comme devant prochainement leur vendre et même leur ayant déjà vendu ce chalet. Effacement et réappropriation. Oui, alors effectivement, effacement et réappropriation, et David Othia dira qu'il s'était inspiré d'un fait divers vu à la télé, où un restaurateur dans le sud-ouest de la France, de mémoire, avait fait disparaître toute une famille et puis s'était approprié ses biens. Donc cette affaire, dira-t-il aux enquêteurs, l'avait inspiré. C'est un peu comme dans la guerre du feu, c'est-à-dire que on a besoin du feu de l'autre, on veut le feu de l'autre, et comment faire pour le prendre? Et finalement, ça finit par la violence. C'est-à-dire que puisque c'est pas négociable, puisqu'on n'arrive pas à prendre ce feu, eh bien ça va se faire par la violence. Or, dans le couple Othia, je pense que elle portait la plus grande part de désir, d'envie de prendre le feu de cette famille, et le feu, c'est-à-dire le bonheur, la joie, l'harmonie du couple. Elle est là, elle est femme de ménage, donc elle est aux premières loges. Elle voit comment il y a de la délicatesse dans ce couple, comment il y a de l'amour, comment il y a du désir. Elle les entend faire l'amour une fois, comme c'est un moment aussi très fort. Elle regarde ce foyer avec tellement d'envie. Et au lieu d'en être inspirée, finalement, elle en devient enragée quelque part. Le feu qui la ronge à elle, c'est le feu de la jalousie et de la convoitise. Son compagnon est son bras armé? Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Je crois que, comme dans Lady Macbeth, Amanda ne supporte pas que son mari ne soit pas capable de réaliser ses envies à elle, ses fantasmes à elle. Elle n'accepte pas qu'il ne soit pas à la hauteur. Fais ce qu'il faut pour que moi, je sois heureuse. Sauve-moi, guéris-moi de ma frustration. Maître Georges Rimondi. On sait d'abord quelle a été la motivation de David Othia, cette espèce de conjugaison entre la frustration et puis cette haine obsessionnelle qu'il nourrissait. Il avait d'ailleurs après écrit à son père en disant que Flactif, il l'avait toute la journée dans la tête. Il a pris la décision et comme il l'a dit à un moment, moi quand je décide quelque chose, je le fais. Pour moi, ça a beaucoup à voir avec la maturité, ou l'immaturité d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on avait aussi d'un côté une famille d'adultes, et de l'autre côté une famille d'enfants. Un adulte, c'est quelqu'un qui sait gérer ses frustrations, même l'expression de sa frustration et de son envie, et de ses colères, etc. Quand on a des enfants, on voit très bien, et on sait très bien que les enfants ont un vrai problème pour gérer leurs émotions, leurs frustrations, etc. Mais quand j'ai écrit le film, j'avais vraiment le sentiment que j'écrivais souvent des dialogues ou des scènes avec deux enfants. Et en tout cas, vis-à-vis de la possession de ce que les autres possèdent et que lui n'a pas, on est vraiment, effectivement, je trouve, dans une figure de l'enfance. Il illustre tout à fait ce côté « Ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Je pense que c'est exprimé à ce moment-là leur inconscient le plus vil, quoi, le plus terrible, c'est-à-dire on y va, on se sert, on va enfin se servir. Nous aussi, on a droit au banquet. Ça leur a posé aucun problème de toucher à leur objet intime. Et j'irais même jusqu'à dire, cette haine, elle a été déculpabilisante. Quand je parle de cette haine déculpabilisante, c'est qu'on sait qu'il y a eu des objets qui avaient été dérobés dans le chalet Flactif après les faits, un téléphone d'enfant, un parfum de femme, enfin des objets comme ça, et que ces objets, ils ont été ramenés à la maison, on a enlevé la puce du téléphone de la petite fille, et puis on a mis la puce des enfants Lefèvre, et puis on a utilisé le téléphone. Le parfum qui avait été utilisé par Madame Flactif et s'est retrouvé utilisé par... Voilà. Donc, si vous voulez, quand je dis déculpabilisante, je veux dire qu'ils étaient arrivés, en tout cas Monsieur Othia, à un stade tel qu'incontestablement, il y avait une espèce de légitimation dans la folie de l'acte. Alors en fait, David Othia est confondu par les observations, par les écoutes, par il est interpellé au petit matin sur le parking d'un supermarché. Il est conduit au groupement départemental de gendarmerie également à Annecy. Et au bout d'une petite heure, en fait, David Othia, pour libérer sa conscience, leur dit « Je vais vous conduire dans une forêt dans laquelle, après les avoir tués, j'ai brûlé les Flactifs, c'est-à-dire le père, la mère et les trois enfants. » Donc, on sait dès le départ, puis les ADN démontrent que toute la famille Flactif a été assaignée dans le chalet. Donc, on va vers la piste d'un crime de sang. Maître Rimondi, quand vous arrivez sur ce dossier, il y a une scène de reconstitution qui est très importante. Est-ce que vous pourriez nous la raconter ? Alors la scène de reconstitution, est importante et je dirais elle est surtout également impressionnante. Parce que, évidemment, que lorsque la famille Flactif a disparu, le chalet a été mis sous scellé et personne n'a pu y accéder. Nous sommes donc rentrés dans un chalet dans lequel il y avait encore tous les éléments de vie de la famille Flactif. Il y avait les petits dessins des enfants qui étaient punaisés au mur, il y avait là les bottes des enfants qui avaient été un peu laissées négligemment, etc. C'est dire naturellement que c'était un chalet dans lequel il y avait eu une vie et on revenait dans le chalet où cette vie avait été enlevée dans des conditions dans les conditions abominables que l'on connaît aujourd'hui, et il est bien évident que cela c'était impressionnant. Étant naturellement précisé que Monsieur Othia est resté extrêmement discret sur la façon dont les choses ont pu se passer, le fait par exemple que l'on ait retrouvé une dent d'enfant plantée dans le parquet a laissé entendre que l'enfant avait sans doute été frappé violemment puisque cette dent avait été sortie de la bouche. Mais il est vrai qu'il n'a jamais donné un détail chronologique précis sur ce qui a pu se passer. La vérité judiciaire est celle-ci. David Othia donc est allé voir la famille Flactif à son chalet du Chinaillon le vendredi 11 avril 2003. Les premiers à arriver ont été les enfants qu'il aurait tués en premier et successivement au fur et à mesure de leur arrivée. Après serait arrivée leur mère, Graziella Neortolano, qu'il aurait à son tour tué. Et puis, in fine, serait arrivé Xavier Flactif, auquel il aurait également donné la mort. Ensuite, c'est toute cette nuit durant laquelle la vérité judiciaire veut qu'il ait chargé les cinq corps dans le 4x4 de la famille, qu'il ait fait un ménage on ne peut plus soigner dans le chalet, dont des proches diront qu'ils ne l'avaient jamais vu aussi bien rangé, parce que Xavier Flactif, passez-moi l'expression, était un peu bordélique. Puis ensuite, après avoir fait ce ménage, il se serait rendu toujours seul dans la forêt du Mont, et c'est là qu'il aurait dressé le bûcher sur lequel les cinq cadavres seront brûlés. Personnellement, et je ne suis pas le seul, j'en doute fort, c'est pas possible. Alors qu'il ait tué les gens tout seul, c'est possible. Qu'il les ait chargés dans le 4x4, pourquoi pas. Mais qu'après, il se soit livré dans la même nuit à un ménage complet du chalet pour effacer, en tout cas au premier coup d'œil, les traces de sang, et ensuite se rendre dans cette forêt du Mont, dresser le bûcher, qu'il l'ait fait tout seul, paraît complètement improbable. Mais il n'empêche que c'est la vérité judiciaire auquel la décision de la cour d'assises donnera le sceau de la véracité. J'ai été l'avocat de M. Stéphane Aremza, qui est l'accusé numéro 2, j'ai envie de dire, celui qui était aux côtés de M. Otia. Ce sont deux personnalités extrêmement différentes, peut-être complémentaire. Monsieur Otiat est un leader incontestablement, c'est un homme décidé, c'est un homme, j'ai presque envie de dire, viril. Monsieur Aremza est plutôt un suiveur qu'un leader. C'est celui qui sera le bon copain, toujours prêt à exécuter, y compris les basses besognes que Monsieur Otia pourra lui demander. Et ça n'est pas quelqu'un qui décide, c'est plutôt quelqu'un qui exécute. Il n'a jamais été démontré, ni même d'ailleurs évoqué, la possible participation de Monsieur Aremza au nettoyage de la maison, pas plus d'ailleurs, bien sûr, qu'à l'élimination des corps et à la crémation de ceux-ci. Parce que, selon vos propres sources, pour dresser un bûcher avec donc 5 corps, dont 3 mineurs, combien de temps cela prend pour que les corps brûlent ? Alors, si vous voulez, on confiera une expertise à un anthropologue du CNRS spécialisé dans la crémation des civilisations anciennes. Une reconstitution sera effectuée à l'endroit où les ossements auront été découverts. Cette reconstitution se pratiquera avec un animal qui est physiologiquement le plus proche de l'homme, c'est-à-dire le cochon. Des cochons d'une centaine de kilos seront amenés sur place pour figurer les parents, et 3 d'une trentaine de kilos pour figurer les enfants. Or, après avoir suivi le scénario décrit par David Otia aux enquêteurs, se révélera complètement improbable que les 5 cadavres aient pu être carbonisés, même sur plusieurs jours, avec si peu de carburant, c'est-à-dire ce qui déclenche le feu, et ensuite si peu de comburant, c'est-à-dire ce qui l'alimente. Et l'expert du CNRS en déduira que pour faire disparaître complètement les 5 corps, il aurait fallu entre 900 kilos et une tonne de bois. Or, à cet endroit-là, vérification sera faite, aucune coupe de forestier n'avait été pratiquée, ni David Otia, ni Stéphane Aremza, son ami qui l'aurait aidé à finir la besogne, passez-moi l'expression, ni l'un ni l'autre n'ont pratiqué de coupe de bois. Donc, ça restera quand même un grand mystère de cette enquête, comment ont-ils pu réaliser une telle crémation. Il reste une plaque aujourd'hui, à cet endroit-là. Effectivement, il reste une plaque. En tout cas, la dernière fois que j'y suis allé, il y a fort longtemps, car ce n'est pas un endroit particulier de pèlerinage. Il reste une plaque de métal fixée à un morceau de bois. L'envie, l'affaire Flactif, second épisode de l'envie au meurtre. Avec Éric Guirado, cinéaste, Maître Georges Rimondi, avocat, Patrick Alain Bertoni, journaliste, et des extraits du film Possession, avec un S, d'Éric Guirado. Un documentaire de Nejma Bouakra et Yvon Croisier. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain. Devinette. Il possède une barbe blanche, un visage au teint rose et un bonnet rouge. Mais c'est une autre histoire.